choses que je voudrais dire avant que tu me poses, avant que ce soit pire. Je vais peut-être essayer de changer de rôle avant que tu ne me jettes, que tu me trouves plus drôle. Après ton sourire, il y aura plus rien sur terre, comme un grand désert. Après ton sourire, il n'y aura plus d'idée sur terre, comme une grande misère. Je n'ai pas voulu t'écrire à cause des fautes, ça t'aurait fait rire. Je t'ai collé mon cœur sur cassette, ça rentrera bien mieux dans ta tête. Après ton sourire, il n'y aura plus rien sur terre, comme un grand désert. Après ton sourire, il n'y aura plus d'idées sur terre, comme une grande misère. Après ton sourire.